Les voyages forment la jeunesse. Mais pourquoi s'en aller si loin? Ça a l'air d'une impolitesse, puisque chez nous il y a tant de richesses qui sont là, à portée de la main. Ah, j'y peux rien, on a la bougeotte, hein. Il faut qu'on fonce en est partout. Et pourtant, pour traîner ses bottes, c'est pas si mal, pas si mal, pas si mal que ça chez nous. On a beau faire et discuter, on a beau dire et critiquer, c'est pas si mal, pas si mal, pas si mal que ça chez nous. Puisque du midi jusqu'au nord, c'est une vraie course au trésor. Tandis que la Loire vient broder ses châteaux au bord de son eau, la Côte d'Azur fait briller sa corbeille dans un écrin de soleil. C'est pas si mal, pas si mal, pas si mal que ça chez nous. Non, non, non, ce n'est pas si mal quand on va se promener chez nous. Et Paris qui fait sa bondaine quand les boulevards dans le matin gris écoutent les orgues de la Madeleine pendant que la tignasse de la Seine fait des boucles à l'île Saint-Louis. Cherchez-en des villes comme Paname. Je vous laisse le temps, je suis pas jaloux. Et vous verrez pour le programme. C'est pas si mal, pas si mal, pas si mal que ça chez nous. C'est à Montmartre et pas ailleurs qu'on entend battre un sacré cœur. C'est pas si mal, pas si mal, pas si mal de voir chez nous la pointe de la tour Eiffel tricoter le bonnet bleu du ciel. Paris, je t'aime, a chanté le chevalier sous son canotier. Paris, je t'aime, a chanté le monde entier dans un écho familier. C'est pas si mal, pas si mal, pas si mal, puisque partout les étrangers n'ont qu'une idée, venir se balader chez nous. Après un voyage, quand on retrouve Argentan, Azel Rideau, Barcelonnette ou Clair-sur-Douve, on ne sait pas pourquoi on éprouve un frisson du cœur à la peau. Et comme la dernière des andouilles, même si on vient du Pérou, on s'attendrit et puis on bafouille. Mais c'est pas si mal, pas si mal, pas si mal que ça chez nous. La simple joie de revenir, fiche en l'air les autres souvenirs. C'est pas si mal, pas si mal, pas si mal que ça chez nous. On se défend d'être chauvin, mais on préfère son patelin. Dans tous les coins, en argot, en patois, chacun se tutoie. Chacun s'engueule un petit peu de temps en temps, mais ce n'est jamais méchant. On dit du mal, bien du mal, beaucoup de mal, parfois de nous. Oui, mais voilà, nous on s'en fout, on sait que c'est pas si mal chez nous.